Bon, je découvre. Voilà. Bon, bon ninja, vas-y, démarre-le. On vérifie tous les paramètres de Ninjam. Donc moi master, je suis à Tu veux, 0, ouais. master, je suis à 0 dB. Moi, je suis à plus 1,9. Je peux mettre à 0 Ouais. si tu veux, mais je t'entends moins bien déjà. Allô? Vas-y, Ouais. parle. Ah, oh, ça va. Non, ça va. Ouais. Ah, je vais à 0. Bon, 0,2, c'est pareil. Hein. Ça marche. Métronome 0. Enfin, moi, ça va dB, en fait. Moi, c'est... Enfin, métronome, je m'en fous, je l'ai mis en mute. Tu sais, en... T'as la petite case à cocher à droite, là, je l'ai mis en mute. Vas-y, parle. Tu m'entends? Allô, allô, allô, c'est moi que je cause, qui te raconte des Ah histoires. non, attends. Ouais. Vas-y, reparle. Ouais. Allô, allô, c'est toujours le cri qui D'accord. parle, qui raconte des histoires. Alors, là, c'est... D'accord. Vas-y, reparle. Allô, allô, c'est toujours le cri qui Bon. cause, son fifi, Là, par Ninjam. j'ai toujours un écho, donc j'essaye de supprimer l'écho dans un premier temps. Oui, mais Skype, il marche là pour l'instant, hein. Donc j'ai tout à zéro au niveau des... Vas-y, parle. Allô, allô, Ouais. c'est Cricri qui est au téléphone. C'est le D'accord. Cricri qui Donc cause dans le là, je microphone. n'entends plus que quand tu dis une phrase, c'est toujours là. Elle est pas répétée. Elle est unique. Ah, c'est J'ai bien. mis tous les Et t'as niveaux à changé sur quoi? zéro, T'as agi sauf sur quoi? user, dans la partie en bas, là, remote channel. Sauf dans la partie Voilà, remote channel, d'accord. user est à 0 dB et channel 0 est à 0 dB. Sinon Ouais. D'accord. tout le reste est à D'accord. moins Bon, 120. c'est pareil, ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ça boit 120, 0, 0. Alors, j'ai un deuxième, moi, new channel, qui a 0 dB. Moins 120, moins 120, c'est ça, ouais. Non mais Après, on peut les mettre en mute, hein, oui. si on veut. Tiens, je fais deux mutes pour voir. Allô? J'ai mis les deux channels, en fait, qui sont dans les users. En fait, t'as new channel, new channel, new channel. T'as trois new channels. Et j'ai mis en mute. C'est pas grave, en fait. C'est quand on veut rajouter les gens, tu sais. Mais bon, j'ai mis zéro, donc D'accord. c'est pas grave. Tout ce qui s'appelle new On channel, met c'est mieux. mute. D'accord. Ouais, Voilà, pareil. moi j'ai mis mute, ouais. Pareil. Oui. Comme ça, en fait, c'est silencieux, ça veut dire. Hein, voilà. Voilà, Est-ce qu'on peut les donc là, j'ai supprimer? les mutes. Non, on peut pas les supprimer. D'accord. Oui. On fait un petit essai, mais on va Il va arrêter être. après, Philippe. Hein, il va être Mais 5. là. Voilà. Mais là, on fonctionne à À 27, 10h. là, au niveau du son. Ouais, bah oui, il faut virer Skype. Faut virer Skype. Oui. Voilà. C'est pas beau, c'est du Skype, hein, c'est clair. Ouais. Bon, Là, on est cette là, on fois-ci, c'est ferme moi qui Skype. commence. Philippe, Oui. est-ce que tu es à Skype là? Tu es en Skype ou pas là? Ah, faut couper qu'à Si je Skype, coupe sinon ça sert à Skype, rien. j'aurai plus de son du tout. D'accord. Donc je Bah oui, mais coupe le elle a dit son qu'on de posait par Skype. Ninjam. C'est fait. Bah, voilà, Et je j'ai fait n'entends plus aussi. rien. Voilà. Allô? Alors attends. Marche pas. Attends. Marche pas. Bon. Ah, d'accord. Allô, Donc j'ai ce que remis le je vais. microphone Oui, Skype. je t'entends. Ah, ouais, d'accord. Allô? Mais je t'entends pas. Oui. Tu m'entends là, tu m'entends. Alors, Ah. on va Ouais. essayer de régler En fait, Ninjam. ouais. Donc moi, ce que je fais, je mets local channel Philippe, je mets à. Ah bah attends, c'est parce que j'ai fait mute au Oui. master, c'est pour ça que tu m'entends plus. Allô, tu m'entends maintenant? Voilà. T'avais mis mute à quel endroit? Un master, Master, c'est pour c'est ça où que master? ça passait plus. Ah, tout en haut. Moi, j'ai mis 0 dB en master. Ah, tout en haut. Non, mais il faut mettre. Ah, bah, je te rentre. J'ai un écho pas possible. Non, j'ai un écho. Ouais. Ouais, mais j'ai un écho monstrueux aussi comme toi, là.